Chapitre 2e. Sinigalia est une petite ville agréablement située à l'embouchure de la Misa, dont le cours entier, depuis les Apennins jusqu'à la mer, est bordé de paysages charmants. La citadelle, d'un aspect formidable, a de l'importance comme monument et comme ouvrage stratégique. Le port, quoique petit, est excellent. Et les privilèges de la foire franche, qui exemptait des droits de douane les marchandises de tous les pays, avaient attiré des navires du littoral de l'Adriatique. Des Ragusins, des Monténégrins, des marchands de Trieste et de Zara, des Turcs de Cataro se promenaient sur le quai, parés de leurs habits de fête. Des musiciens de carrefour donnaient la sérénade aux personnes qui se montraient sur leurs balcons. Les cuisines en plein air exhalaient leurs parfums de fritures et de fromages, et les jongleurs, les bohémiens et les charlatans faisaient sonner la clarinette et la grosse caisse. Une grande baraque de planches, encore inhabitée, attendait évidemment une troupe d'acteurs. Je compris que ce devait être le théâtre réservé à mes compagnons de voyage. Vers midi, la chaleur devenant accablante, les bruits, la musique et les fourneaux s'éteignirent peu à peu. On ferma les fenêtres, et la ville s'endormit pour se réveiller à 5 heures. J'avais trouvé sans peine un logement dans une maison particulière, mais le dîner fut difficile à obtenir. Les auberges étaient pleines, et dans les trattorias, les convives, en manches de chemise, criaient tous à la fois après les servantes. Cependant, je réussis à me faire donner un riz au safran et une tranche de nombolo que je m'empressais de payer pour aller m'établir au café de la rue Maestra, sous un auvent dont la brise agitait les festons. Déjà, on y parlait de l'arrivée des artistes forains et de la première représentation, qui devait être donnée le soir même. Pendant le temps du repos, la troupe s'était installée. Les décors étaient prêts. Une grande toile peinte, ornée de figures, annonçait le titre de la pièce, et je reconnus avec plaisir que la curiosité publique était excitée. Après avoir pris le café, je me dirigeai tout doucement vers la baraque de bois. Au sommet de l'édifice, j'aperçus de loin cette inscription « Compagnia Comico del Signor Tampicelli ». Plus bas, on voyait sur la grande affiche un lion et un singe qui paraissaient causer ensemble, et en m'approchant, je lus enfin ce fameux titre de la pièce auquel je ne m'attendais guère, Il naufragio di la Perugia, ossia l'isola dei cannibali, con la scimmia riconoscente a del leone terribile, c'est-à-dire le naufrage de la Pérouse ou l'île des cannibales avec le singe reconnaissant et le lion terrible. Telle était cette surprise que le seigneur directeur m'avait ménagée avec tant de discrétion. Tel était le sommaire de cet ouvrage qui devait réunir avec tant d'art le pathétique et la gaieté, qui devait effacer les comédies de Goldoni, les charmantes farces napolitaines et dont l'inspiration avait été puisée dans l'étude approfondie du théâtre de Sedaine. Malgré l'envie de rire, à laquelle je ne résistais point, la voix de ma conscience me rappela qu'il ne fallait pas juger un ouvrage sur le titre. Sous cette annonce trop explicative, l'auteur pouvait avoir déguisé quelques pensées ingénieuses, quelques vérités philosophiques, comme Charles Gozzi dans ses féries de l'oiseau vert et des trois oranges. Résolu à pousser l'expérience jusqu'au bout, je revins prendre un billet aussitôt que le bureau fut ouvert et je m'installai sur la première banquette. En moins d'un quart d'heure, la salle se trouva pleine. On entendit le coup de sonnette du régisseur. Le petit orchestre racla l'ouverture et le rideau se leva. Dans un vestibule nu et enfumé comme ceux de nos tragédies classiques, une espèce de marquis râpé, entouré de gens plus mal vêtus que lui, examinait une grande carte déployée sur une table. L'exposition m'apprit que c'était le roi Louis XVI, donnant à sa cour une leçon de géographie, dans le château de Versailles. On introduisit le célèbre navigateur La Pérouse. Par une antique loi des petits théâtres italiens, ce héros de la pièce était habillé à l'espagnol, en manteau court, coiffé d'une toque à plumes, ceint d'une épée plate qui finissait par un trèfle, et chaussé d'un tricot trop large, si sûrement porté que les genoux ressemblaient à des poches. Ce costume idéal a l'avantage de désigner à première vue le personnage dont les malheurs et la vertu doivent exciter l'intérêt du spectateur. C'était avec des gestes d'énergumène et des cris de damné que le monarque français et l'habile navigateur réglaient ensemble l'itinéraire d'un voyage autour du monde. Louis XVI, connaissant les dangers d'une si longue entreprise, embrassait le savant marin la larme à l'œil et rentrait dans ses appartements. Aussitôt après, le seigneur Pantalon, qui se trouvait par hasard à Versailles, brûlant du désir de voir la Chine et le Japon, suppliait avec mille lazzi divertissants l'illustre Lapérouse de l'emmener sur son vaisseau. Le commandant, bon prince, cédait aux prières du bourgeois vénitien, et Pantalon courait faire ses préparatifs pour s'embarquer sur la boussole avec sa fille Smeraldine, qui n'avait pu voir sans émotion le beau visage, le grand air et la toque de Lapérouse. Au second acte, le décor représentait une île inconnue de l'océan Indien. Un singe blessé d'une flèche exprimait ses souffrances par des cris aigus. Un lion saisi de pitié répondait aux plaintes du singe par des mugissements terribles. Le tonnerre et les éclairs complétaient cette scène d'une belle horreur et dans le fond du tableau, les regards découvraient, au milieu des vagues, une planche taillée en forme de navire qui s'abîmait peu à peu dans le sein de la mer. Bientôt, cette planche disparaissait entièrement et trois personnes abordaient à la nage dans l'île. C'était Lapérouse, Pantalon et Smeraldine, qui seuls avaient survécu au naufrage de la boussole. Sans prendre le temps de faire sécher ses habits, le généreux Lapérouse, versé dans la botanique, pansait la blessure du singe au moyen de plantes médicinales dont Smeraldine exprimait le suc précieux. L'animal guéri montait sur un arbre après avoir témoigné sa reconnaissance par une pantomime touchante. Tout à coup, des hurlements annonçaient l'arrivée des sauvages. Smeraldine, faiblement rassurée par la contenance intrépide de Lapérouse Alma Viva, fondait en larmes et Pantalon, tremblant de tout son corps, regrettait amèrement Venise et la boutique d'orfèvrerie qu'il avait tenue dans cette ville bienheureuse. Inutile regret. Une horde de cannibales entourait les naufragés et se mettait en mesure de les faire cuire à petit feu. Cependant, du haut de son observatoire, le singe surveillait ses apprêts barbares. Il se glissait dans la coulisse sans être remarqué. Déjà, les victimes renonçaient à défendre leur vie quand le lion terrible, guidé par le singe reconnaissant, s'élançait au milieu des sauvages et se préparait à les dévorer, ce qu'il aurait exécuté si Lapérouse, d'un geste imposant, ne lui priait d'attendre encore une minute. Avec autant d'éloquence que de bonté, le grand navigateur reprochait aux cannibales la férocité de leurs mœurs. Au nom d'un dieu clément qu'il promettait de leur faire connaître, il les engageait à ne plus manger de chair humaine. L'approbation du lion terrible ayant achevé de les persuader, les sauvages tombaient aux pieds de l'orateur et lui proposaient de régner sur leur tribu. En attendant l'arrivée de quelques vaisseaux dans ces parages, Lapérouse daignait accepter ce petit gouvernement et Smeraldine, en devenant son épouse, partageait avec lui la couronne. Ce dénouement peu vraisemblable me fit craindre pour le succès de l'ouvrage. Pendant la longue tirade qui ramenait les sauvages à des sentiments chrétiens, je regardais à la dérobée les visages des spectateurs. La plupart trahissaient une émotion réelle, et derrière moi j'aperçus la jeune tyrolienne, les yeux inondés de larmes qui sanglotaient dans son mouchoir. Après la chute du rideau, on rappela les artistes, et une triple salve d'applaudissements frénétiques couronna cette œuvre naïve, en sorte que je me retirais toute honteux de mon insensibilité. Au café de la rue Maestra, il n'y avait qu'une voix sur le mérite de la compagnie comique. La troupe chantante, qui venait de représenter l'Hernani de Verdi au Grand Théâtre, n'avait pas eu le même bonheur, et je remarquais, aux critiques qu'on en faisait, combien le goût de ce public était plus délicat en musique qu'en littérature. Une fioriture manquée de Donna Sol avait blessé tout l'auditoire de l'opéra. On discutait avec acharnement sur la cavatine, lorsque l'apparition de la tyrolienne aux doux yeux vint changer le sujet de la conversation. Tous les regards se portèrent sur cette figure aimable, et de toutes les bouches sortirent ces flatteries que les Italiens décochent au joli visage en manière de soupir et de déclaration d'amour. Graziosa, bellina, carina, etc. Le costume de Maria, qui n'était pas exempt de recherche, servait d'enseigne à sa boutique portative en attirant l'attention sur la marchande. Il se composait d'un corsage de velours, sous lequel on voyait un foulard coquettement plissé en forme de gorgerette, d'une jupe courte en soie grise et d'une ceinture attachée par une boucle de cuivre doré. Le chapeau tyrolien, orné d'une plume d'épervier, donnait à cette fille des montagnes un certain air indépendant que la douceur de la physionomie tempérait agréablement. Maria vint poser sa boîte de parfumerie sur la table où je prenais une glace et me demanda ce que je pensais du naufrage de Lapérouse. « Si vous étiez, répondis-je, dans les conditions d'un spectateur ordinaire, je respecterai l'émotion profonde que vous a causée cet ouvrage forain. Mais, puisqu'il s'agit pour vous d'en passer une carrière pleine de déboires et de périls, je vous parlerai sans ménagement. J'ai trouvé la pièce insipide, l'épisode des animaux ridicule, et tous les artistes au-dessous du médiocre, sauf le pantalon qui ne manque pas de gaieté. Il faut être dans un pays en fête et sevré de spectacle pour écouter cela jusqu'au bout. Réfléchissez encore avant de vous associer à cette compagnie comique, dont le directeur, avec ses belles paroles, n'a fait que prouver par un nouvel exemple cette vérité bien connue qu'on peut raisonner le mieux du monde sur un art qu'on pratique fort mal. Maria me regarda d'un air mécontent, comme si j'eusse voulu lui ravir sa foi et son enthousiasme. « Non, » dit-elle en levant les yeux au ciel, « on ne se trompe pas lorsqu'on pleure et qu'on palpite de plaisir et de crainte. Parce que la générosité du singe reconnaissant ne vous a point ému, en est-elle moins sublime? Votre seigneurie a le cœur dur, voilà tout ce que j'en conclus. Mais quand même elle seule aurait jugé sainement cet ouvrage en restant insensible au milieu de cette foule attendrie, nous ne sommes pas ici en France. Mon dessein n'est pas d'aller jouer la comédie au-delà des monts. C'est au public de Venise, de Sinigalia, d'Ancône que je désire plaire. » « Vous me consultez, répondis-je, à la condition que je vous conseillerai ce dont vous avez envie. Peut-être aussi que votre seigneurie me donne des avis que je ne lui demande pas. La question est celle-ci, suis-je capable ou non de jouer le rôle de la Smeraldine? Beaucoup mieux que la jeune première de la troupe, je n'en doute pas. » Que faut-il donc de plus? Puisqu'on fait des évêques avec des hommes, ne peut-on d'une fille de mon âge faire une comédienne? Soyez comédienne, Maria, je ne vous en détourne plus. Jouez votre rôle dans les pièces effroyables de Maître Tampicelli et tâchez de sauver votre vertu des griffes de vos confrères les cannibales. Est-ce que vous n'avez pas laissé à Bolzano quelque amoureux dont le souvenir puisse vous préserver des chutes? On a toujours des amoureux, répondit la jeune fille, mais mon cœur est libre et fier. Ne faites pas sonner trop haut votre fierté, Maria. Défiez-vous de votre engouement pour le théâtre. Défiez-vous du jeune premier de la troupe, de ses phrases boursouflées, de ses métaphores. Tout cela est du clinquant, comme sa toque et son manteau galonné. Craignez surtout cette familiarité de la vie errante qui engendre souvent un dérèglement lamentable. La fille la mieux gardée, répondit Maria, est celle qui se garde elle-même. Il ne me faudra ni singe reconnaissant, ni lion terrible pour me défendre contre les cannibales des coulisses. Et que dira votre tante Susanna, qui est une sainte femme, lorsqu'elle apprendra que sa nièce court les foires avec des baladins? Elle ne le saura pas, à moins que vous n'alliez exprès dans son village pour me dénoncer. L'essentiel est de ne rien faire de mal, et je vous répète que je suis de force à me défendre. À côté de l'autre colonne, il y a des petits couteaux dans ma boîte, mais je n'aurai pas besoin de m'en servir. Une peinture de la vie italienne serait incomplète si on en écartait absolument la silhouette de l'agent officieux qui prélève un misérable courtage sur la galanterie. Ce personnage obséquieux, inévitable, fabricateur inépuisable de mensonges et de fourberies, est un type éminemment méridional. Puisque nous le rencontrons ici, accordons-lui le passage. Tâchons, en l'ébauchant, d'oublier ce qu'il a de repoussant pour l'envisager de son côté comique, afin que le lecteur nous pardonne de l'avoir mené en si mauvaise compagnie. Dans l'instant où Maria exprimait sa ferme résolution de vivre sagement, une conspiration contre sa vertu se tramait à deux pas d'elle. Un homme en redingot jaune offrait ses services à un jeune Américain, capitaine d'un navire marchand, et dont les yeux étaient constamment fixés sur la belle Tyrolienne. L'homme, au sourire mielleux, promettait monts et merveilles de son entremise, tout en appuyant sur les difficultés de la négociation. « Il lui fallait du temps, disait-il, et l'argent nécessaire pour se faire écouter de la petite marchande en lui achetant quelques objets de parfumerie. Un écu suffirait à cette entrée de jeu. Pour peu que son Excellence consentît à ce léger sacrifice, le premier compliment serait porté séance tenante avec les précautions et l'habileté que réclamait une affaire si délicate, car on voyait bien que cette jeunesse en était à son primo passo. L'Américain donna dans le piège et tira de sa poche un écu romain. Aussitôt, l'ambassadeur vint accoster la jeune fille. Avec ce flair subtil qui distingue les gens de son métier, il reconnut tout de suite l'innocence sauvage d'une enfant des montagnes. C'est pourquoi il ne se hasarda point à l'effaroucher inutilement. Il prit un air mystérieux pour chuchoter des choses insignifiantes, et quand il eut acheté un briquet de 5 bayocs, il retourna rendre compte au seigneur étranger de ses heureux préliminaires. Le marin, qui était un homme ponctuel, demanda combien de temps il lui faudrait attendre, et l'homme répondit sans hésiter qu'à moins de mort subite, l'affaire serait certainement conclue le 4e jour, à 12:15. Le personnage à la Renago John avait remarqué que je l'écoutais d'une oreille. Il vint s'asseoir près de moi. « Ces Anglais sont tous les mêmes, » me dit-il en haussant les épaules. « Ils s'imaginent que tout doit plier à leurs caprices. Et si on avait la sottise de s'exposer à quelques désagréments pour les contenter, ils ne vous remercieraient pas. Quand ils vous ont donné d'avance un pauvre écu, et qu'on réclame ensuite la récompense de ses peines, ils vous répondent « tutto e pagato ». C'est un mot qu'ils apprennent dans leur pays avant de s'embarquer pour l'Italie. J'ai ouï dire qu'autrefois ils étaient généreux. À présent, il n'y a que leur défiance qui soit égale à leur avarice. Cette défiance, répondis-je, est impardonnable en effet, lorsqu'elle tombe sur un honnête homme comme vous. Mais vous vous trompez. Cet étranger est un Américain et non un Anglais. Que comptez-vous faire d'ici au 4e jour, à 12:15? Ne m'occuper de cet Américain non plus que du prêtre Jean des Indes. Mais il vous interrogera sur vos démarches. Eh bien, je lui répondrai en mettant la chose à si haut prix que son avarice me débarrassera de sa défiance. Et s'il est plus prodigue que vous ne le supposez, s'il consent à payer la somme fabuleuse que vous imaginerez? Nous aurons le chapitre des contretemps imprévus. Fort bien. Mais s'il s'explique lui-même avec Maria, et s'il découvre que vous n'avez pas même parlé de lui à la jeune fille, le chapitre des coups de bâton pourrait faire suite à celui des contretemps. Un mauvais quart d'heure est bientôt passé. Vous avez réponse à tout. C'est que je suis philosophe. Un accident futur n'existe pas. Chaque heure suffit à sa tâche. Occupons-nous du présent. Au lieu de courir après le gibier du Tyrol, plaise à votre seigneurie d'observer que dans cette partie de l'Italie sont les plus belles femmes du monde, et que pendant ces 15 jours de fête, l'envie de s'amuser, de se parer, leur tourne la tête. Je prie votre excellence de daigner garder ma carte. Sur un bout de papier à sucre, je lus ces mots grossièrement imprimés. « Il vero Giuseppe, combinatore di piaceri. » D'où vient, lui dis-je, cette précaution de vous intituler le véritable Joseph ?« Excellence, le talent a toujours des plagiaires. Je m'appelle bien Joseph, et comme j'ai réussi à me faire une clientèle considérable à Rome, à Anconne et ailleurs, des intrigants sans esprit et sans éducation n'ont pas manqué d'usurper ce nom, que seul j'ai su rendre fameux. Ils prétendent tous s'appeler Joseph, et ils poussent le plagiat jusqu'à se vêtir de la même couleur que moi. Et puis, au premier mot qu'ils disent, l'étranger, stupéfait de voir des ignorants et des bélitres, s'écrie « Voilà donc ce Joseph dont on vante la politesse et les belles manières ?» Ces méprises sont désolantes, et de là vient que je cherche à dérouter les contrefacteurs. Si votre excellence veut m'employer, je lui montrerai que je suis le véritable Joseph, aussi utile aux seigneurs cavaliers qu'aux gentilles dames. J'épargne aux uns les poursuites, les recherches, le temps perdu, les factions à la belle étoile, et par conséquent les rhumes et les fluxions. Aux autres, les œillades compromettantes, les ports de lettres et les écritures, si dangereuses au double point de vue de la preuve incontestable et de la faute d'orthographe. Quand on pense que pour une faible rétribution, tant de périls et d'ennuis sont évités, « Joseph, interrompis-je, c'est grand dommage que vous fassiez de votre intelligence un si méchant emploi. Que voulez-vous, Excellence? Bien peu de gens sont à leur place dans ce monde. Qu'on me donne seulement un prieuré, il serait en bonne main. Parlons d'affaires, Excellence. Une dame romaine, veuve, jeune et belle, arrivée ici depuis un mois pour prendre des bains de mer, attend d'un jour à l'autre des lettres de son secrétaire qui doivent contenir des valeurs. Un retard qu'elle ne s'explique pas dans cet envoi de fonds est la cause d'un embarras momentané dans ses finances. N'allez pas plus loin, Joseph. Je connais cette histoire. On me l'a racontée à Venise la semaine dernière et dans les mêmes termes. Les brigands, murmura Joseph. Ils m'ont volé jusqu'à mes histoires. Nous avons encore à Sinagalia la fille d'un apothicaire dont le père, assez riche, est membre correspondant de la société de Lésine. Joseph. Cette histoire-là n'est pas de vous. On me l'a faite à Florence, l'an passé, sur la place de Sainte-Marie-Nouvelle. « Mille tempêtes !» s'écria le combinateur en se mordant les lèvres. « Votre seigneurie aurait dû m'avertir qu'elle avait fréquenté les Florentins. Je ne lui aurais point servi ces fables ordinaires par lesquelles nous commençons toujours. Cette fois, je lui dirai la vérité pure et simple. Une jeune femme, récemment mariée à un homme d'un âge mûr et par conséquent jaloux. Arrêtez, Joseph, je vais achever l'histoire. La signora doit de l'argent à l'orfèvre, à la couturière, au parfumeur. Et elle tremble que son jaloux ne vienne à découvrir qu'elle ne paye point ses fournisseurs. Le créancier qui l'incommode le plus, c'est son coiffeur, pauvre diable chargé de famille, qui n'a pas le temps d'attendre et qui importune la dame pour une somme chétive. « Bravo !» s'écria le véritable Joseph en éclatant de rire. « Votre seigneurie en sait aussi long que moi. Mais qu'importe la vérité de l'histoire, pourvu que la signora soit belle. Il importe fort peu, en effet. Sachez seulement que je ne suis pas dupe de ce vernis romanesque dont vous prétendez embellir votre commerce. Eh bien, je me piquerai d'honneur. Que je perde mon titre de véritable Joseph si je n'apporte demain à votre seigneurie une histoire entièrement neuve et accompagnée de preuves. En attendant, Excellence, encouragez ma franchise par un petit régal. Voici 3 paoli que je vous donne à la condition que vous me tiendrez au courant de votre affaire avec le capitaine américain. » Maître Joseph s'engagea par les serments les plus sacrés à ne me cacher aucun détail, et après avoir empoché son régal, il me salua jusqu'à terre en me disant « Donc, nous combinerons quelque chose pour demain. » Pendant les 3 jours suivants, l'Américain, avec une discrétion et une patience admirables, regarda 20 fois sans sourciller la jeune tyrolienne passer et repasser devant lui. Quand elle lui présentait sa boîte ouverte, il y prenait au hasard un objet quelconque et le payait sans dire une parole. Mais on voyait bien, à son air opiniâtre, qu'il n'entendrait pas raillerie s'il venait à découvrir les mensonges du combinateur, et j'étais curieux de savoir comment Joseph s'y prendrait pour lui faire supporter un retard. Le 4e jour, à 12h20, l'étranger arriva au café. Il regarda sa montre et demanda une glace. Marianne n'avait point paru de la matinée. Cette circonstance commençait à m'inquiéter, lorsque je vis accourir de loin l'illustre Joseph, qui se parlait à lui-même et faisait une mine effarée comme un homme frappé d'un malheur imprévu. « Excellence, » dit-il en s'essuyant le front, « tout va mal, tout est perdu. Un fâcheux contretemps. Jamais rien de semblable ne m'est arrivé. Mais qui pouvait deviner une pareille chose ?»« Quelle chose ?» demanda le marin. « Figurez-vous cela, Excellence. Cette jeune fille, où l'ambition va-t-elle se nicher, cette marchande d'épingles, s'est mise dans l'esprit de se faire comédienne. Le vieux Tampicelli l'a enrôlée dans sa troupe. Ce matin, elle a jeté aux orties son savon et ses fioles, et à cette heure même où je vous parle, elle étudie avec le capo comico le rôle d'Angela dans la pièce du roi ours qu'on va représenter à la fin de la semaine. Que votre seigneurie s'imagine, si elle peut, mon saisissement, ma colère, mon dépit, lorsqu'en venant lui rappeler sa promesse, je trouve la vendeuse d'eau de Cologne transformée en jeune première. « Bonhomme, » m'a-t-elle dit d'une voix aigre et hautaine, « je suis occupé, je répète mon rôle. Ne me rompez pas la tête. » Et moi, démonté, stupéfait, interdit comme un sot par tant d'audace, j'ai battu en retraite, sans même lui répondre qu'elle était une impertinente. Le capitaine regardait son messager d'un air froid et scrutateur. Mais il avait affaire à un maître fourbe. Il ne trouva dans l'accent ni dans le geste aucun indice de tromperie. Le soupçon se dissipa, et cet homme, si volontaire, n'osa pas même témoigner sa mauvaise humeur. « Joseph, » dit-il, « vous avez bien fait de ne pas appeler la jeune fille impertinente. »« Non, par le ciel, j'ai mal fait, au contraire, » reprit le combinateur. « Se jouer ainsi d'un seigneur de qualité, d'un cœur généreux, oh, s'il ne s'agissait que de moi, je rirais des prétentions de cette smeraldine de carrefour. Mais j'avais des engagements avec votre seigneurie, et je me vois forcé de lui manquer de parole. Mille diables, que le toco de l'apoplexie me tombe sur la tête, si je ne me venge de cette mijaurée. « Joseph, » dit le capitaine, « une comédienne n'est pas plus inabordable qu'une marchande de savon. » « En général, cela est vrai. Mais cette caroniette se croit déjà un premier sujet. Elle vous rançonnera, Dieu me pardonne. Dans la disposition où je l'ai trouvée, je gage qu'elle ne m'aurait pas écouté, à moins que je n'eusse parlé de quelques sommes énormes, inouïes, comme par exemple 10 ou 15 napoléons d'or, Mieux vaut songer à autre chose, Excellence. Je ne veux pas songer à autre chose, dit l'Américain. Quand j'ai commencé à songer à une chose, il ne convient pas de songer à une autre, entendez-vous? Je donnerai les 10 napoléons d'or. Quoi? Comment? Votre Excellence? La bouche ouverte, les yeux hors de la tête, Maître Joseph avait besoin, pour en croire ses oreilles, d'entendre une seconde fois cette promesse, qui lui donnait des éblouissements. « Corps de Bacchus ! » s'écria-t-il, quand le marin eut répété sa proposition. « Votre seigneurie se connaît en magnificence. Elle m'en dira tant que je briserai tous les obstacles, comme du verre. Et pour ma peine, que daignera-t-elle me donner ? Son grand cœur n'oubliera pas, dans sa libéralité, les dangers de ma profession. » 5 autres napoléons pour vous, Joseph. Qu'elle m'avance un petit acompte. Vous avez reçu une piastre, c'est assez. Pas un bayoc, pas un centime de plus, allez. Lorsque Joseph passa devant moi, je lui fis signe d'approcher. C'est vous, lui dis-je, que le signor Tampicelli devrait enrôler dans sa troupe. Vous avez joué votre personnage admirablement. Cette mine effarée, cette bouche de travers, ses yeux roulant dans leurs orbites, tout cela était d'un naturel parfait, et ce dialogue avec la jeune fille, j'espère, pour votre gloire, que c'est une invention. Il n'y a d'exact, répondit Joseph, que les débuts prochains de la petite. Les meilleurs mensonges sont ceux qui se mêlent avec un peu de vérité, mais je suis pris dans un piège. 5 napoléons d'or, sans compter ce que je pourrais recevoir de l'autre main. Ne pas même tenter de les gagner, qu'elle l'achetait. Joseph, tu le tenteras. Gare au coup de bâton, Joseph. Gare à la prison. 5 napoléons d'or, Excellence. J'en ferai une fièvre carte si je ne réussis pas. Vainement, je voulus détourner ce coquin de son projet. Vainement, je lui représentais que le pilori pouvait se trouver au bout de l'aventure. Il ne m'écoutait plus et revenait à ses 5 napoléons d'or comme Harpagon à son argument de « sans dot ». Sa cervelle en ébullition enfanta quelques machinations diaboliques. Un sourire cupide remua toutes les rides de son visage. Tout à coup, il se frotta les mains en s'écriant « Tengo una combinazione !» Et le combinateur partit avec tant de vélocité que les pans de sa redingote jaune s'ouvrirent comme les ailes d'un scarabée.